Un quart de seconde, elle s'effondre, je reste seul sous la lumière. Je pose ses doigts de satin à côté de mon revolver. J'étais seul à découvert et tout tournait de travers. Devant moi c'était l'enfer, ton visage un rayon vert. Un quart de seconde et tes lèvres se marrent enfin d'une innocence. Ton sourire se perle de sang pour me maudire, je prends conscience. J'ai quitté l'appartement pour me tairer loin du temps. La ville était noire hostile, comme un fou derrière sa grille. Aveuglé par ma colère, mes mots sonnaient de travers.